Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazy Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. Bonsoir. Coucou on tout le monde. En direct jusqu'à... Jusqu'à 19h. Yes, c'est... C'est Esther et Hugo. Pour Sbazy Radio. Non, c'est... Oui, non, c'est... En vrai. Voilà. On se perd déjà dès le début. Voilà. On espère que vous allez bien ce dimanche soir. On espère qu'on vous a manqué. Du 4 combien, novembre, 4 novembre. 2018. 4 combien, non, c'est pas français. On est le 4 novembre, bah, totalement. Et aujourd'hui, c'est l'émission spéciale 2013. Et oui. Aujourd'hui, alors attends, avant de commencer, nous avons des trucs à vous dire. L'émission sera dispo en replay, en podcast sur Spotify, sur c'est Spotify. Gratuit. Voilà, maintenant, vous pouvez écouter ce Bazar 2 sur Spotify. Oui. En replay. Oui, en voilà. Replay, voilà. Je me perds. Ensuite, nous avons l'Insta de Sbazy Radio. Suivez-nous parce que. Qui s'affiche sur l'écran. C'est l'ambiance, la bonne humeur. Il est affiché sur l'écran. Tout comme voilà. Le Twitter qui a été créé aujourd'hui. Aujourd'hui de Sbazy Radio. Voilà. Si vous voulez aller nous suivre, allez bah nous c'est suivre. Tout de suite. Ah, pour une fois que je suis là, bonsoir. Salut Freeway. Yeah, pour une fois Freeway. Qu'il est là à l'heure. T'étais pas là la dernière fois. Sachant que nous commençons encore en retard. En retard. Désolé, ça c'est. Voilà, quoi. C'est l'habitude. Faudra vous commencez à avoir oui. L'habitude. Hein, de toute façon. Oui. Maintenant il y a un petit décompte avant le début de l'émission, donc comme ça vous voilà. Savez à quelle heure on commence. Je sais pas si vous l'avez vu. Et normalement on s'est pas foiré le début, tout marche non, bien, ouais, tout on est espère. Bon dans le cochon. C'était bon dans le cochon. Donc on a dit, alors replay sur Spotify, donc vous tapez Sbazy Radio sur Spotify, c'est gratuit. Voilà. Même si vous avez pas Premium. Même si vous n'avez pas Spotify, voilà, vous pouvez non, écouter. Non, enfin, si vous n'avez pas Spotify Premium, voilà. Si vous n'avez pas d'abonnement. Voilà. Ensuite l'Insta forcément, on met les petites stories, tout ça. Le Twitter qui a été créé, allez le suivre. On mettra le lien, etc. Avant de commencer, vous avez un sondage en haut à droite pour choisir la chanson de Maître Gims. Qu'on écoutera, on en l'écoutera entier. À quel moment déjà? On l'écoutera après l'actu musicale. Voilà. Donc ce soir, on a un programme assez chargé. Nous qui avions pas d'idée, ben, finalement, on a beaucoup trop chargé le programme. Ça va durer une grosse heure à peu près, je pense, la grosse émission. Oui. On aura le N'oubliez pas les paroles spéciales juste avant l'actu musicale de 2013. Les événements ouais. Marquants de 2013, la minute Ariana. Yes. De 2013. Parce qu'elle était active en 2013, du coup. Voilà. Oui, c'est ça. Mais... Ouais. Donc voilà, écoutez. Oui, et N'oubliez pas les paroles, tu l'as dit. Oui, c'est, voilà. Je commence par la fin. Ah oui, bah je pardon. Finis par le début. Voilà. Le début, qui est évidemment les coups de cœur musique de 2013. Les coups de cœur musique de 2013 qu'on se fait après. Après. Major Lazer. Major Lazer, watch out for it. Cette chanson, elle tartonne bien. Ah ouais, cette chanson, elle tartonne bien. Ouais, Major Lazer, watch out for this. Les coups de cœur de musique de 2013. Juste après. C'est restez juste connectés. Après. À tout de suite. Ah alors, ah mais là, on est. Ah oui, d'accord. On était à fond. Oui. Alors. Bon bah alors bah quoi. Ah oui. Sabrine est à fond. Les enceintes à fond dans le séjour et tous les portables connectés. Bon mais bah ça c'est super. Évidemment toujours à fond. Toujours pour, à fond pour Sbazy Radio. Et oui c'est la base de Sbazy Radio oui. Quand même. Bon alors tout de suite on va parler de nos coups de cœur de musicaux de l'année 2013. On a oublié de faire un truc, c'est de se départager. Qui dit quoi en premier, donc vas-y, fais-toi plaisir, honneur aux femmes. Allez, honneur aux femmes. Je suis trop gentil. T'es trop gentil, Hugo, t'es galant. Bon alors, yes. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais une directionneur, donc j'étais fan des One Direction. Oui, on dit les directionneurs. Yes. Donc j'étais fan des One Direction, alors la best song ever. Attends, je t'ai... Hé, hey, Hugo, tu non, pas... Non, mais je suis pas il prêt. Il faut la mettre. J'ai des nouveaux boutons, écoutez. C'est celle-là. Pourquoi c'est pas lancé? Attends, c'est bon. Je règle le souci. Tout va bien. Normalement, elle arrive. Voilà. C'est bon. J'ai monté le mauvais. C'est voilà. C'est quoi le titre? C'est Best Song Ever. Voilà. C'est vrai qu'elle est trop bien. Yes. Donc voilà. Bref, à l'époque, j'avais trop aimé. Je m'en souviens cette chanson. Et ensuite, j'étais aussi fan de Katy Perry. Et c'est en 2013. Katy Perry qui était. Qu'elle a sorti Roar. Je sais pas comment on dit Roar. Je veux dire. Et vraiment, Roar, c'était. Ouais, Roar. C'est trop moche. Et ça a été un de ses plus gros singles, hein, à peu près. Je sais pas combien de ventes elle a fait, mais qu'est-ce qu'on a entendu. Oui. Donc voilà, ça, c'est mes coups de cœur musicaux. C'est One Direction et Katy Perry. Je crois qu'elle avait gagné Energy Music Awards. Oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Enfin bon, voilà. Voilà. Mais c'était son année à Katy Perry. Enfin, avec celle-là de chansons. Ouais, ouais, ouais. Le clip, même, il était trop cool. Cette musique, elle date, bah, c'est 2013. Hein. Bah oui, en fait. c'est spécial 2013, c'est écrit de toute façon. Moi, mes coups de cœur, alors c'est surtout mon coup de cœur de maintenant, mais de la chanson de. Enfin, je sais pas si on comprend, mais c'est ma musique de 2013 que je préfère maintenant. Celle-là, c'était celle de la pub Evian. Vas-y. La la la la. Mais je m'en souviens pas. Si, bah, la pub Evian avec les petits bébés dans le miroir. Mais je me souviens pas de la musique, je me souviens juste des bébés. Si, je me souviens de. Ah, bah d'accord. Et après, là, tu t'ambiances. Ah oui, ça je connais. Voilà. Et, ben et du voilà, coup, dis le nom un peu. En 2013. Ah oui, oui, parce que tu peux dire. C'est Here Comes the Two. Attends. Here Comes the Hot Stepper. Oulala. Là là. Aussi, leur nom il est compliqué. Evian Remix. Here by Comes the Hot Stepper. You. Yuxek. Voilà. Bon, vous débrouillez. Au pire, si vous voulez vraiment le titre, on vous l'écrira parce que l'anglais et moi, ça va pas trop. Ça fait 10 000. Je me rappelle trop quand j'ai écouté. Quand tu l'écoutais H24, je pense qu'elle part de Roar. Ouais. Ou Besson Garant, je sais plus, je les écoute. Ou Besson, ouais, les deux. Fin, ouais, les voilà, quoi, c'est mes coups de cœur musicaux. J'étais à fond dessus. Ah oui. C'était le feu. D'ailleurs, dites-nous. Ouais, dites-nous. J'ai oublié de poser la question. Si vous en souvenez. Ouais, si vous en souvenez. Quelles étaient vos musiques? Au pire, dites-le nous durant toute l'émission, parce qu'avec le nombre de musiques qu'il va y avoir en tout. Pas terrible, l'anglais, Hugo. L'accent, tout le monde se moque de toi. Je sais, c'est pas faux, hein. C'est pas très cool. Hello, I'm very good bien, English. So I'm bilingue. Là, oula, stop. I'm bilingue. Donc, ouais, dites-nous quels sont vos coups de cœur tout au long de l'émission. Hein, votre chanson préférée des chansons de 2013. Et on les lira forcément. Enfin, quand vous aurez fini de vous foutre de mon anglais. De l'accent du beau, quoi. Mais non, il est très très bien mon accent. Oh, bah, t'as combien de moyenne en anglais? J'ai. Oula, elle est remontée, je crois. Ah bon? Non, elle est redescendue plutôt. Ah! Mais bon, ça c'est un détail. Bon bah écoute, tant mieux. Bastien, et tu es on là. A pas mon on n'a pas mon dernier coup de cœur. Ton dernier coup de cœur? Mon autre coup de cœur, regarde, il est en jaune là sur le programme. Ah, mais on la met en entier celle-là. Yes! Bah, oui, on la met en entier. Et c'est quoi comme chanson? C'est. Je te donne on en mille. Attends, je fais un teaser. On l'a entendu 10 millions de fois, ouais, en 2013. On était heureux quand on l'écoutait. Mais à la fin, elle nous a saoulé. Attends, non, même pas. C'était la chanson de Moi, Moche et Méchant 2 en plus. Ah ouais? Ouais. Je m'en souviens même plus. C'est écrit là. Ouais. Ok. On a tout décrit devant nous, mais on sait pas. Si, en plus, je l'ai entendu parce que j'ai regardé le film il y a pas longtemps. C'est passé sur TF1. Voilà. Ma vie est folle. Comme je dis, la moyenne ne fait pas ton niveau. Exactement, Freeway. Je sais, mais moi j'ai un niveau de fou par rapport à ma moyenne. Mais vous, elle s'en rend pas compte, la prof, je crois. T'as un talent caché, quoi. T'es un artiste. Ouais, incompris. J'ai une 9 en expression orale. Queen sur Kelly is here too. Maman, t'en fais un peu trop. Vraiment. Beaucoup trop. C'est que Kelly. Non, on va pas rabaisser les gens, sinon après ils vont plus. Bah écouter. Non, oui. Bon, alors, cette chanson, on l'écoute ou pas? Bah, c'était Happy. Attention. Happy de Pharrell Williams. La minute Ariana. C'est tout de suite. Alors il faut savoir que en 2013 Ariana. Elle commence direct. Hein. Oui. Direct dans le vif du sujet. Direct. Bah vas-y, mets la musique en rouge. Mais oh. Ah pardon. Voilà. Elle est mise. Ah, j'avais pas entendu. Ah. Bon, alors on a mis The Way en fond. Bref. Attends, alors... est-ce qu'on lirait pas les commentaires avant? Parce qu'ils se sont ambiancés. Bah vas-y Hugo, lis les commentaires. Ah, Freeway. Ouais, il y avait ça sur Just Dance Happy. D'accord, tout le monde a chanté sauf ouais, Béanis. Tu fais Happy. Sauf Béanis. Cette chanson m'a gavé FDR. Bonjour. Ah oui, mais et vous retournez en enfance. Ouais, vous êtes pas vieille non plus, hein. Bah. Gardez ça, hein, parce que c'est pas là beaucoup, souvent que je vais dire que vous êtes pas vieille. On adore la minute Ariana, oui. La minute Ariana, bon, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, bah, Ariana Grande, en 2013, donc le 30 août 2013 très exactement, a sorti son premier album studio intitulé Yours Truly. Je crois que ça veut dire mes salutations, un truc comme ça, enfin c'est bizarre un peu. Bref, et donc c'est son premier album studio et la chanson qu'on entend en fond, bah, c'est son premier single aussi, The Way. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Bref. Et elle a eu 2,5 millions de ventes et téléchargements combinés en tout, je crois, à l'heure actuelle. Hein. Donc ça fait beaucoup. Genre, en fait, je crois que c'est la 15e femme chanteuse à avoir son premier album qui a débuté dans le top 1 des charts américaines. Donc, plutôt successful. Waouh. Bref, vous avez pas vous engueuler quand même, mais non, on s'engueule jamais. On s'est jamais engueulé, je crois. Bah non, on s'est jamais engueulé, ouais. Non, putain, mais moi, on s'engueule jamais avec moi parce que je suis trop gentil. Ouais, il est trop gentil, gros. Tu peux pas, y a pas de sujet pour s'engueuler. C'est trop mignon. Y a pas de sujet pour s'engueuler. Parce que tu m'as pas vu dans la vie de tous les jours. Attends, est-ce qu'on écouterait pas un petit extrait? Voilà. Voilà, c'était en featuring avec Mac Miller qui d'ailleurs est mort en août. Si tu en avais parlé, ça, je crois. Oui, j'en avais parlé à l'époque parce qu'on avait fait notre première émission. Ouais, je sais pas si elle est encore ou pas sur la scène, sur ta chaîne. Pas hashtag en tout cas. La première émission, non, il y a que le replay de qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances. Ah bah ouais. Mais bon, dès maintenant, vous aurez, je le répète encore une fois, vous avez les replays en podcast et sur Spotify et pas besoin d'avoir Spotify Premium pour écouter les podcasts. Donc du coup, vous pouvez les écouter partout où vous voulez. Voilà. Alors, your story, ça veut dire le tien sincèrement. Pas mes salutations. Oh merde. Tout le monde manque. Pourquoi t'avais dit ça voulait dire quoi? Mes salutations. Non mais arrêtez. Non mais en fait, je m'en souviens que c'était le tien sincèrement. C'était un truc bizarre et sincèrement, j'ai confondu avec salutations. Voilà, merci Esther. Tu bosseras un peu plus traduire pour la prochaine fois, non? Ouais. Non, mais en plus, je sais que Chulu ça veut dire sincèrement, mais bref. Tu bosses pas, tu bosses pas. Mais tu bosses pas assez. Mais bien sûr que si, j'ai fait des recherches et tout, longuement et tout. Évidemment. Vas-y, on se mettrait pas le jingle pour annoncer que c'est la fin de la Mitariana. Si tu veux, si tu veux. Allez, si tu veux. Attends, vas-y. Lance ton jingle. Allez, on lance le jingle right now. Entre Esther et Hugo, l'anglais ça va pas. Arrête. De quoi? Ah bon, j'avais pas capté. Bon, t'inquiète, personne n'a capté. Oui, c'est bon ça. Et j'avais pas mon micro, mais bon, c'est bon. Bref. On va oublier tout ça. Entre Esther et Hugo, l'anglais ça va pas. Bah écoute, merci. Non. Non, moi, mais moi, je parle espagnol. Anglais. Non, c'est pas vrai. Je suis encore pire espagnol, en espagnol, donc moi ça. Aussi, putain. On a bossé toutes ses vacances, la pauvre. Moi aussi, j'ai bossé toutes mes vacances. J'ai bossé jusqu'à 23h hier pour préparer l'émission. Alors, si vous dites que j'ai pas bossé, mais... Ouais, moi j'ai fait des recherches. Et j'y ai passé un temps fou à faire cette émission, entre couper tous les morceaux et tout. Bah, tu m'étonnes. Donc, heureusement que t'as fait des recherches. Des recherches qui ont servi pour les événements marquants que nous faisons tout de suite. En 2013, alors, bah on commence. Par contre, t'en as oublié un, à moins que t'en as supprimé un volontairement. De quoi? Oui, je l'ai enlevé, ouais. Ah, ok. Voilà, ça, oui. Tu t'en foutais on ne se concerte pas avant les émissions, donc vous comprenez pourquoi on fait ça, un peu. Vas-y, rappelle qu'il faut voter. Là. Bon, quand on rappelle juste avant qu'il faut voter pour la chanson de Maître Games qu'on écoutera avant le N'oubliez pas les paroles, voilà, je crois. Dans le petit yes. I. Dans le petit I en haut à droite. J'ai entre voté, moi, zombie, attention, je vais vous faire écouter le début de chaque chanson. Attention, ça c'est Bella. Vous pouvez voter pour Bella ou encore Je me tire. Voilà. Je me tire ou alors Zombie. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient. Voilà, voter pour un des chanter tout ça. Voter pour un des trois. Un des trois qu'on mettra en entier en fait. Voilà, on la mettra juste avant. N'oubliez pas les paroles. Trop courageux notre Hugo, évidemment. Je suis beaucoup trop courageux pour préparer cette émission. Alors, tout de suite, et surtout pour la faire avec Esther. Oui. mais franchement, c'est pas gentil. Allez. Alors, tout de suite les événements marquants de 2013. Alors, le 15 février 2013, il y a eu une météorite de longueur de 45 mètres qui est passée à seulement 27 000... J'adore comment elle raconte. Qui est passée à seulement 27 700 km de la Terre. Alors, une météorite, c'est quoi, Jamy? C'est un gros caillou de l'espace. Voilà, c'était ma définition. En plus, c'est Sabine, non, c'est pas sorcier la fille. Ah bah, je suis sûre, c'est moi Sabine. Alors Sabine, explique-nous ce que c'est une météorite. Non mais la meuf, elle s'appelle Sabine. Non mais, bref, voilà. Donc, bah, ça s'est passé le 15 février. C'est 27 700 km, ça nous paraît beaucoup, mais c'est vraiment très peu. Parce que sachant que la longueur de la Terre, ça, je sais pas du tout pourquoi je m'engage dans ce genre de sujet. Oh non, attends, je vais faire une recherche rapide. Elle veut faire genre la fille, elle s'y connaît tout. Alors la distance de la Terre par rapport au Soleil, tout ça, elle n'y connaît rien. Attendez. Mais là, c'était le prénom d'une petite crèche où Esther fait son stage. Ah bon, c'est vrai. Ah non, d'une petite à la crèche mais plutôt. Mais maman, chaque fois tu racontes ça, non mais c'est bon, c'est chiant. Alors la circonférence orbitale de la Terre, c'est 9 800 600. N'empêche, je crois que c'est ça. Regarde, Kelly, elle préfère c'est pas sorcier mais qui n'est pas préparé, donc c'est-à-dire le nôtre. Ouais. Bon bah ça, c'est pas très gentil pour. Je suis désolé, mais j'ai pas le générique de c'est pas sorcier pour vous. Ça fait ah oui, c'est attendez, c'est un camion, ça fait le camion, ça fait et après il y a le truc qui fait franchement voilà. C'est pas censé, c'est trop la base en primaire quoi. Je l'ai re-regardé la dernière fois, c'est passé à la télé, bref. Ah super. Super, on s'en fout. Bon alors il s'est passé quoi le 13 mars? Il y a eu l'élection du pape François et pas français parce que j'avais écrit français. Non, François. Et ça, non, parce qu'il n'est pas français du tout, je crois qu'il est italien, c'est ça. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas son vrai prénom, François, il s'appelle. C'était une anecdote, carrément. Oui, bah, j'ai pas retenu. C'était assez un truc latino, genre je sais plus quoi, mais il s'est appelé François. Bah, c'est italien, donc. Ouais, voilà. Oui, oui. C'est un peu logique. Non, mais je crois qu'il est. Ouais, je sais même pas. Oui, non, je crois qu'il était italien. Donc le pape François, voilà. Voilà. Bon, super, super intéressant. Il s'est passé des choses en 2013. Ouais, c'est. Bah, ensuite, par contre, ça, tout le monde s'en doute. Le 18 mai 2013, bah, les mariages pour deux personnes du même sexe a été autorisé en France. Donc je pense que vous en souvenez, ça a fait polémique, enfin, ça a bougé quoi en France. Il y avait des gens qui manifestaient un garçon et une fille, non à l'homosexualité. Voilà. Merci quoi, pour non. pour tes imitations. Ah mais ils étaient comme ça, ils avaient des pancartes, une fille et un garçon. Enfin, alors bref. Merci de nous rattraper, le pape n'est pas italien, il est d'Amérique latine. Ah mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était latino, ouais, c'est écoutez, Hugo. Écoutez, je peux pas tout préparer moi dans cette émission, hein. Si Esther fait la moitié des choses, c'est même pas. Ouais, ça va, je fais ma mitarena et ça. J'ai passé des heures à préparer cette émission, alors maintenant... Ouais mais sans moi, il n'y a plus d'émission, donc... hein. Salut Sébrine. Mais j'ai cru que ça s'appelait Sabine. Non. Ouais, vous avez un talent de chant. Ouais, je sais. Je chante trop bien. Ouais, super quoi. Voilà. Bon, voilà. T'avais fini sur ta petite info. Oui, ça c'était le 18 mai 2013. Ensuite, c'était Hugo, alors il a une info. Là, hyper mais vraiment, nul. J'ai une info dramatique. J'ai oublié. Ah, oh, je voulais mettre une musique suspense ou même d'horreur. T'en parce pas que. Non, j'ai oh, oublié de la préparer. J'ai oublié de la préparer. Mince. Mais bon, ça a été le drame. Je vous fais écouter. Si vous connaissez, bah, manifestez-vous. Si vous connaissez pas, bah, vous avez loupé quelque chose. Là, vous connaissez. Le générique de Midi les Zouzous, c'est toute mon enfance. Oui, mais grave. Midi les Zouzous, je regardais ça quand j'étais petit. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Midi les Zouzous en 2013? Eh oui. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que bon, le Midi Attends, les Zouzous. Qu'est-ce voilà. qui s'est passé avec Zouzou le Midi. Midi les Zouzous en 2013, Hugo. Ah, bah ça alors. Alors, Jamy. Non, c'est pas Debout les Zouzous. Oui, parce bah que voilà, Debout c'est les Zouzous, ça, c'est ça existe. Debout les Zizi. Non. Non. Debout les Zouzous, c'était pas la même chose. Il y avait. Il y avait Debout les Zouzous et Midi les Zouzous. Oh mon dieu! Et Midi les Zouzous, il faut savoir que le 27 septembre, mais c'était la fin de Midi les Zouzous sur France 5. Ça faisait 12 ans que c'était là. 12 ans que je. Enfin, peut-être pas 12. Non, ça faisait 11 ans pour moi du coup que, le midi, je mangeais devant Midi les Zouzous. Parce bah, que moi je regardais Debout les Zouzous, mais pas Midi les Zouzous. Moi je regardais les deux. Moi j'étais vraiment un fan inconditionnel de Midi et Debout les Zouzous. Bah, en plus, c'était le feu. Et ça, c'est le générique de Midi les Zouzous parce que dans celui de Debout les Zouzous, il y a. Il chante debout les zouzous, zim zam zizou. Voilà. Oula, c'était hyper gênant. Et je laisse en plus, mais bon, ça prendrait un temps fou de mettre. Mais voilà. Oh non, mais Hugo. Non, il chantait zim zam zizou. Mais attends, avec... debout les zouzous, ça veut dire que ça y est encore Maintenant, ça s'appelle oui. Zouzou Ludo. C'est... Mais, ah, mais oui, ça s'est pas arrêté en même temps. Mais midi les zouzous, mais ça, j'ai été... ça a été un drame pour moi. Voilà. Oh mon dieu. Mais ouais, c'est un enfant traumatisé à côté Attends, de moi qui parle. Mais oui, mais midi les zouzous quoi. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Bon, alors voilà. Bref, on enchaîne. Le 5 décembre 2013, il y a eu la mort de Nelson Mandela. Qui a été qui, Hugo? Ah là, je dois te faire une question là. Non, tu sais pas qui c'est. Mais j'avais vu l'actualité, mais tu sais, l'histoire et moi, tu me demandes les dates de la guerre. Mais je c'est celui pas, que. Attends, déjà, il a été... ça a été le premier président noir d'Afrique du Sud, il me semble. Et en gros. Ah, il te semble, voilà, donc fais non, pas mais là. Si, si, si. C'est pas genre, tu connais. Hein, c'est qui si tu sais non, pas. Non, arrête. Et ouais. Je crois qu'il a. Bah, il a été en prison et tout parce qu'il était noir. Non, mais en fait, je sais plus, mais je crois qu'en tout cas, il a voilà, aidé donc, à la base. Attends, comment on attendez, dit Attendez, faut qu'on se mette au clair. Esther, on est d'accord qu'elle vient de me dire Hugo, c'était qui Nelson Mandela? En mode, ouais, moi c'est, je moi. Sais totalement qui c'est et tout. Et là, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, il me semble, je sais plus si c'était pour ça, mais. Mais attends, j'ai pas sa biographie en tête par cœur, mais moi je sais vaguement. Tu pouvais au moins te le noter. Je pensais qu'on allait dire Nelson Mandela et puis voilà, bref. Mais bah, c'est toi qui a dit l'info, c'est pas moi, c'est toi qui t'embarques non, là-dedans. Non, mais attends, du coup je finis. Il a été bénéfique à l'aboutissement de l'esclavage, il me semble. Mais même je me demande si c'est pas lui qui l'aboutit. Enfin, je sais pas, aidez-moi s'il vous plaît, les gens qui savent son histoire. Aidez-moi, alors tu sais, tu as un ordinateur devant toi, tu as Google. Ah, oui, c'est vrai. Tu as Google, pas. Tu tapes Nelson Mandela. Écoutez, on a le temps Nelson ce soir. Mandela. Même si on finit un peu il en est retard. Il est 18h30, pas... vous êtes en direct sur Sbazi Radio. Voilà, 18h30 tout pile. Putain, tout pile. Vraiment plus, hein. Enfin, non, vous vous en décalez. Mais c'est pas grave, Nelson Mandela. Oh. Alors. Voilà, je te laisse Wikipédia oh, en attendant. En attendant, bah, je vais la faire connexion la n'est pas de si l'émission. Bonne. Hein. Non, c'est l'ordi. Ouais. Mais arrête de te plaindre, s'il te plaît. Hein. Voilà. Déjà, ah, il a manifesté pour les droits des jours par rapport aux blancs et pour abolir l'esclavage. Ouais, voilà, genre c'était voilà pour abolir l'esclavage. Non, mais tout le monde sait ça. Voilà. Mais moi je le savais. Ouais. Alors attends. Je savais, mais pas trop. C'était bancal. Un homme état sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel des ségrégations raciales. Avant de devenir président république d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. À la suite des premières élections nationales de l'histoire du pays. Attends, je crois que j'ai trouvé notre slogan pour l'émission. Quoi? On fait la moitié de l'émission, vous faites l'autre moitié. C'est ça en vrai, hein. Parce que regarde, attends, il y a Kelly, elle nous a dit « Il a reçu un prix Nobel et a passé une bonne partie de sa vie en prison. Il manifestait pour que les Noirs et les Blancs aient les mêmes droits. » Et il s'est fait enfermer pendant des voilà. années à cause de ça. Ouais, voilà, heureusement gros, que ça. Le chaton est là pour nous. Non, mais Esther, la culture générale est où? Bah déjà, moi je savais, je savais pas juste tout le temps. Mais... De toute façon, j'ai appris au collège, maintenant ça fait longtemps que je suis plus au collège. Ouais. Oui, il a passé la plus grande partie de sa vie en prison. Ouais, ça je le savais. Il a été libéré, je me souviens de sa libération. Venu président. Passé à la télé et tout. Enfin, c'était... Ah bon, on était nés? Oui, on était nés, je crois. Ah ouais, moi je m'en souviens plus. Si, si. Moi si. Je m'en souviens de sa mort. Attends, mais... ça doit être écrit quand même. C'est genre, ah non, on n'était pas nés, d'accord. Non, non, tu ah non, mais tu non, me mais dis. Non, mais c'est quand il est mort, alors ils sont revenus dessus. Oui, voilà, c'est ouais, quand je pense il c'est est plutôt mort. Ça, ouais, parce que 99, j'étais pas encore né. Bref, il est mort le 5 décembre. Voilà. Voilà. 2013. Et après, il y a eu Noël. Voilà. Oui. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour la chanson de Maître Gims qu'on s'écoutera tout à l'heure dans en haut à droite. I. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le live et. De nous suivre aussi sur Twitter et Insta qui sont affichés à votre écran actuellement. Voilà. Ça fait comme les gens sur BFM TV. Non, attends, c'est quoi? Ah oui, non, c'est nous avons le gagnant de notre grand jeu pour gagner une semaine de voyage tout frais payé au Futuroscope. Le nom du gagnant s'affiche en bas de votre écran. Non, danse avec les stars, ça continue. Voilà. Et moi, j'ai appris en primaire et ça fait longtemps que j'ai vu en primaire et je m'en rappelle. Bon, c'est bon, on a compris que t'étais intelligente, Kelly, hein, c'est bon. Excuse-nous, si nous, on n'est pas intelligents. On oui. est là, tu sais, plus tard, moi, je serai à la radio. Et je serai... Pourquoi j'y serai après toi? Parce que je suis débile. Parce qu'il est débile en cours. Voilà, on dirait que je vais devenir journaliste. Non, je serai, voilà, je serai comme là, je dirai n'importe quoi dans un micro. Ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. Que de la culture générale. Ah oui, mais voilà. Ariana. Mais Ariana, fan forever, là, c'est plus possible. Exactement. Bon, ensuite, voilà. On va se faire on tout va suite. Se faire l'actu musical juste après. Juste après quoi ? Juste après Wake Me Up de Avicii, qui est mort d'ailleurs en 2018. Ah oui, c'est vrai, c'est, oui. C'est triste. Rappelle-toi. Ça a été son plus gros tube, Wake Me Up. Ça a été un gros, oui, tout à fait. Wake Me Up de Avicii. C'est tout de suite après, on se fait l'actu musical de 2013. On est là juste à 19h. Voilà. C'était Avicii. Wake Me Up. Yes. le pire début. Bon, vous avez beaucoup parlé dans le chat. Ouais, alors non, chaton qui s'appelle Charlène n'est pas ma mère. Pas hein. du tout sa mère. Voilà. Parce que ma mère ne sait pas utiliser YouTube. D'ailleurs, si tu m'entends, si tu passes dans la chambre de Bastien ou quoi, dédie à toi, maman. Bisous, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Oh non, stop. C'est pas vrai. Hein. Oh, quand non, même. Je rigole. Papa aussi, ne t'inquiète pas. alors, parce qu'il faut pas être jaloux quand même. Ouais, bon, on a lu un peu tout ça. Vous avez ouais, discuté. Voilà. Mais écoutez, on est là pour ça. On est là pour discuter. Le but de cette émission, exactement, on le rappelle, c'est moitié vous, moitié nous. Voilà. C'est de parler. Parce qu'en réalité, en fait, si vous ne parlez pas, l'émission ne dure même pas une demi-heure. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc au moins comme ça. Surtout, n'oubliez pas les paroles. Et encore, un peu et nul. Et encore. Surtout. Et encore, on n'a pas de pub. Parce qu'imagine. Ah oui. C'est sûr. Voilà. Alors excusez-nous de déranger. Non, vous dérangez de nous déranger. Mais vous dérangez pas de toute façon nous. Mais non, justement. On s'est mis d'autres chansons pendant que vous écoutez Wake Me Up. Non, on a justement, on s'est préparé pour savoir qui annonce quoi sur. Sur eh ben, l'actu musicale tout de, suite. De 2013. Et l'actu musicale de 2013, elle commence avec oh, quoi avec tout le monde obligé, vous en avez entendu parler. La mode de 2013 et non, tout j'en avais en pas fait, fait hein. moi. Non, moi, non, j'en, moi j'en avais pas fait, mais genre les youtubeurs, mais, genre Squeezie, ouais, je me souviens de son truc. Oh, il y en a beaucoup de monde qui l'ont fait. Oui. C'était le Harlem Shake qui commençait comme ça. Ah merde, j'ai lancé le mauvais. Oh non, écoute. Non, j'étais en train de lancer, ne n'oubliez pas les paroles. Oh non. Je me plante de boutons, ça va, ça arrive. Vas-y, à tout allez, monde. Mets-nous le Harlem Shake. Attention, le Harlem Shake, ça a commencé comme ça. Il y a, d'abord, il n'y en avait qu'un. Enfin, on expliquera le concept après. Oui, con lo terrorista. Alors le but, ouais, ça a commencé comme ça. Alors jusqu'à ce qu'ils disent d'où est Harlem Shake là, tout ça. Oui, voilà. Donc vas-y, explique le avait, concept du coup. Il y avait un gars qui dansait bizarrement. Ouais, hein, ouais, genre tout le monde un peu. Prenons l'exemple d'une salle de classe. T'as tout le monde qui est assis à sa table et tout. T'en ouais, as juste un seul qui danse sur la table. Ils le regardent pas, genre ils écrivent en fait. C'était ouais. genre sérieux. Ils font comme s'il est pas là. Et il y en a un, il danse comme n'importe quoi, genre. Désolé. Non mais je rigole. Mais voilà, et du coup après dès qu'ils disent do a Harlem Shake tout ça. Do the Harlem Shake. Voilà, c'est ça. Et ben il y a tout le monde qui se met à foutre le bordel. Ouais, là, voilà, genre. Le passage là quand il a coupé violemment d'ailleurs. Voilà. Voilà. Non, j'ai pas coupé violemment. Mais... Écoute Manu, il coupe violemment. Voilà, je on prends exemple on s'en sur souvient Manu. Pas du Harlem Shake. Je pense qu'il y a que toi qui s'en souviens pas hein, parce ah oui, que mais c'est notre est-ce que là aussi. Les jeunes dans le chat vous en souvenez c'était, du Harlem Shake c'était à fond sur les réseaux oui, sociaux. Oui, c'était sur et les réseaux ça. Sociaux, il y avait que ça. Hein. J'étais en CP. Ah oui, mais toi t'étais jeune aussi. Oui, mais toi, Bérénice, voilà, quand on quoi, fera 2006. Quand on fera l'émission 2009, je te dis pas, hein, elle sera pas née. Ah oui, mais grave. Non, elle sera pas née. Si, elle est née en 2006. Et alors, ah oui, bah ouais, mais alors on va dire. Elle s'en souviendra pas. Oui, elle se souvient de. Ah, c'est bizarre, elle est jeune en fait. Ouais, c'est hyper bizarre d'être née en 2006, ta vie. Ouais. Surtout que les gens nés en 2006 sont bizarres eux-mêmes. 2002, c'est les bestes. Voilà. 2004 aussi, ils sont bizarres. Totalement. Tout le monde est Kelly. Bizarre. La deuxième musique qui a, on va dire, cartonné. Oh, c'était vraiment la grosse musique de bof, mais vraiment. Totalement. C'était quoi, vas-y. C'était Et quand il pète, il trouve son style. Ça de a commencé, Sébastien Patoche. Ça a commencé comme ça et après, il y a le refrain. Allez, musique, maestro. Allez, roulez, jeunesse. Et quand il pète, il trouve son style. Voilà, c'était vraiment voilà, hyper. C'était bof. Ça la musique, mais vraiment. Mais je m'en souviens, j'étais en. Ouais, quand elle est sortie, c'était début 2013, donc on était en CM2. Tout le monde en primaire chantait, rigolait sur ça. C'était n'importe vraiment quoi. Hyper bof. Mais c'était une parce chanson de Cartman, c'est le pote à Cyril Hanouna et tout ça. Donc Ouais, ouais, voilà. Mais enfin, voilà, ça faisait rire les petits primaires, quoi. Quand ils pètent, ils trouvent son ouais, style. Voilà. Voilà. C'est comme à l'époque où il y avait Fatal Bazooka ou des trucs comme ça. Ouais, ah, ça, c'était Fatal Bazooka, la base. C'est Michael Youn qui l'a fait, je crois. Oui. Enfin, d'après mes souvenirs. Oui, c'est Michael Youn. 2000 les bestes, non. Non, 2002. Alors, on m'en trouve le le niveau de Hervé Actuel. Depuis tout à l'heure, on est en train d'essayer de se défendre parce qu'on comme quoi on est intelligent. Ben là, clairement, en mettant ça. Et quand il fait, tu trouves son style. Clairement, c'est waouh. Dans la cour, il y a tout le monde qui l'a chanté. Quoi. Et vous faites un live années 90 et 2000. C'est pas prévu. Ouais, c'est pas prévu parce que. En fait, pour l'instant, on fait les années où on était vivant. On était vivant. Ouais, on était là, vous en s'en souvient, pour pouvoir faire des coups de cœur ou des trucs comme ça. On sait de quoi on N'empêche, parle. N'empêche, si tu veux vraiment un truc des années 90, t'as Ouais, je fais de la pub pour les pour ceux qui nous défoncent clairement en termes d'audience. Bruno dans la radio sur Fun le matin, ils avaient fait ça. Tu cherches sur YouTube, tu devrais avoir le replay. Et c'était voilà. Super cool. Voilà. Et en plus, eux, ils ont les chanteurs qui viennent chanter parce que là. On aurait dû tester d'inviter Sébastien Patoche, c'est vrai ça? Oh mon dieu! Non, vraiment pas! Il manque plus que les sardines, c'était pas 2013 ça? Hein. Non, je sais pas quand c'était. Je sais pas, on va regarder. Mais... On va regarder le Why Now. À toi de faire la deuxième musique. Non, c'est toi qui l'as fait! Non, parce que moi j'ai fait une petite petite rousse en slip! C'était le premier grand succès de Maître Gims, parce qu'il était solo avant, il était dans un groupe, c'était quoi déjà? Section d'assaut. Voilà. Oh, c'était quoi déjà? On l'a passé dans la spéciale de ma direction. Je confonds avec Wachibi, ça c'est le groupe de Black M et Section d'assaut. Wachibi. Tu sais, Wachibi c'était. Non, Wachibi, de... non, alors Black M il était dans Section d'assaut aussi. Wachibi c'est une marque. Oui, mais c'est. Ah bon? C'est une marque, oui. Mais c'était leur groupe aussi, non? Non, c'était leur. Mais il y avait pas un autre groupe de rappeurs aussi? C'était leur. Où il y avait Soprano, un truc comme non, ça. Non, c'est leur. C'est Psychiatre de la Rime, ça. Ah bah non, oh, ça, c'est encore plus vieux. Ouais, non, ça, c'est trop vieux. Qu'est-ce que je devais chercher sur. On sait plus, les sardines. On s'est trop dans la discussion, quoi. Ah oui, mais vraiment. Bah, et on est quand même sur des niveaux intellectuels, on part sur des recherches de Patrick Sébastien. Ouais, et quand. Attends, c'est quoi? Chante l'idole de ma mère. Non, c'est vrai. Totalement faux, non. Ah, elle ça déteste va. Ça. Ah. C'est pour ça que je dis ça, justement. Hein. Ce que je te dis pas quand on lui fait des réveils à 6h du matin. C'est vrai que. Alors attendez, mon frère va en boîte. Il ramène des petits objets. Esther, depuis c'est laquelle chanson qu'on a passé depuis Happy de Pharrell Williams. Donc ouais. On l'a passé à 18h12. Elle a un chapeau États-Unis sur la tête. Avec le drapeau américain dessus. Comme si de rien n'était. Et bah, je l'ai enlevé parce que j'avais où je m'étais. Bastien, elle aime. Dans la tête, Bastien, quoi. Elle aime bien ton chapeau. Ouais, mais j'avais oublié de te dire aussi. Wachibi, c'est un groupe maintenant. Non, Wachibi, c'est pas un groupe maintenant, je crois. 2006, Les Sardines. Oh ah, c'est ton année de naissance, Bérénice, Burke. Non, je rigole. Voilà, enfonce encore plus notre niveau intellectuel, merci. Bon, vas-y, du coup, on disait le premier succès de Maître Gims, on a voilà, même pas dit ce que quoi. Donc, en solo, donc c'était Je me tire. D'ailleurs, votez pour la chanson, on va l'écouter. Ne demande pas comment, je suis partie sans motif. Non. N'oubliez pas de voter pour la chanson qu'on va écouter après l'actu musicale de Maître Gims. Vous avez voilà. Le choix entre Bella, Je me tire ou Zombie, c'est en haut à droite dans le sondage. Et un autre succès qui a eu. Ah, tu mets pas un peu Je me tire? Non. Oh, okay. Non, parce qu'on l'a déjà passé et on va certainement la passer. On tire bon, après. Ça va. Bon, alors celle-là, je pense que vous en souvenez parce que c'était bah, drôle. Ça fait. Ouais, ça fait. Enfin, ça fait quoi? Comment on dit le mot? Ah, ça nous a fait. Ça fait du bruit, c'était ouais. C'était génial. Oui, bon, là, on va la mettre en entier. C'est The Fox. Donc, What Does the Fox Say de Celle-là, elle était sur Jason, je crois, mais c'était oui, tellement oui, le oui, jeu. Elle était sur Jason. On vous laisse écouter ça en rien juste après. Trop marrante cette chanson, vraiment. Vous avez vu notre niveau intellectuel oui. N'augmente pas. Je sais pas si vous en souvenez, mais oui, en primaire, on la chantait tous, Libéré. Mais c'était le. Voilà quoi. C'était le feu à l'époque. Je galère à bosser à suivre le live. Sur... Mais ne t'inquiète pas, par contre. Garde-toi à fond pour le n'oubliez pas les paroles. Ouais. Des photos de Esther. Est-ce qu'on en avec le chapeau, ouais. Non, vraiment pas. non, mais cette chanson, c'était le feu. Bah, alors, tout de suite, en 2013 aussi. Attends, on avait aussi la chanson, mais vraiment la meilleure chanson c'est moi au qui monde. Dis. C'était à toi de le mais dire. Mais oui, toi tu dis celle d'après. Ah, oh, vas-y, allez. Oh, j'avais commencé. vas-y. Bref, donc tout, là en 2013, il y a eu. Des neiges. C'est... Elle est sortie en décembre, je crois, 2013, c'est... vers c'était Noël. C'était le drame, ce truc. C'est... Non, mais on l'a plus entendu en 2014, vu qu'elle est sortie non, en fin d'année. Attends, on l'a plus entendu de la bouche d'une gosse qui chantait ça ouais, et qui était insupportable. Même encore, il la chante, c'est iconique cette chanson. Ah bon? Mais oui. Mais tout le monde la connaît cette chanson par cœur, mais Libère il est adulte. Mais il est taré. Là, attendez, ce moment de la chanson, elle construisait des châteaux et tout. Sans souvenir. Voilà. Bref, on adore. Vraiment, cette quoi. Chanson a été insupportable. Elle était insupportable, mais je la chante. Ouais. Et Freeway et Lilith, comment ça se fait que vous faites vos devoirs le dimanche soir alors qu'on avait deux semaines? Hein, ouais, c'est le pas dimanche normal, soir ça. Au dernier moment, là, il faut garder le créneau pour se baser radio quand même. Je les ai fait avant l'émission. Oh. Bon, non, j'ai fait ça toutes les vacances, quoi. Je devais rattraper tous les cours. Ah, oh, bah oui, oh. C'est vrai. Et oui. Le passé est passé. Délivré. Voilà, bref, on va stop. Arrêter de chanter, surtout qu'on est complètement décalé. Ouais, je pense que. Faudrait c'est que je bizarre. Règle ça. Bref, la prochaine, Hugo. La prochaine, on passe à la prochaine qui était vraiment, on est, c'est notre idole. On est fan avec. Non, Hugo. C'était notre idole quand on faisait la compagnie Sbazi dans bah, justement en cours des SVT. Ouais. C'était Christophe Maé, il avait sorti cette chanson. On l'a chantée je ne sais pas combien de fois. Je suis tombé sous le charme. Je suis tombé à cause sous de le tes charme. Nains, de tes mots. Je m'en souviens plus. Ah là là, bon, c'est vraiment cette chanson. On l'a chantée je sais pas combien de fois, comme toutes les autres de Christophe Maé. On adore. Mais j'avais son album. Comment il s'appelle, Mon Paradis? Je l'avais aussi. Au début, mon père. Attends, je voulais. Anecdote. Mon père l'avait gravé sur un CD. C'est plus à l'époque. Ah, mais moi aussi. Ma mère, elle. Et après, à Noël, il me l'avait offert et j'étais trop content. Je l'avais mis à fond. Oh, trop cool. Mais voilà. Ouais, donc, ça, je fais pas mes devoirs, mais j'ai 27 ans. Ah, désolé. il me reste juste un DF d'anglais et je bosse depuis 16h. Ouais, mais fallait le faire avant, Freeway. Oh ouais, là. Gardez un moment pour se baser radio quand même. Bah oui. T'avais une voix hyper triste. Mais, ouais, bah oui, bah faut mettre de la pitié pour qu'il reste. Oui, oh, on est clairement en retard dans le créneau, c'est pas grave. Ah oui, on est clairement, faut qu'on, en 5 minutes, faut qu'on passe Maître Gim, c'est qu'on fasse N'oubliez pas les paroles, mais on va non, dépasser. Non, jamais. Donc, là, bah, ça se finira pas à 19h. Ça se finira plus sachez-le, tard. Sachez-le, voilà. Aïe. Mais voilà, donc du coup, sachez que j'avais l'album de Christophe Maé. Si moi vous aussi. Le voulez, on peut même le mettre dans la story de Insta de Sbazi Radio. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre. Allez c'est nous suivre. Indiqué sur les écrans. Voilà, donc écrans. C'était sur les écrans. C'était l'actualité musicale un petit peu. Nous allons faire un point sur les votes. Attention, quelle alors, chanson de Maître Gims. Il faut vraiment que je mette une chanson de suspense et en fond. Hein. Ouais, c'est clair, parce que là, parce le là, silence. Ça manque. Pour l'instant, je mets les petites musiques comme ça. On adore les beds. Alors, ouais, les beds. Attention, là, carrément, maintenant, elle fait genre, elle connaît le langage et tout. La connexion n'est pas top. J'espère qu'il y a pas des lags. La dans connexion n'est le... pas top, mais ta cam. Bon bah c'est zombie qu'on mettra. C'est zombie qu'on écoute quand? Qui a eu 50%, qu'on écoute right now, maintenant. Right now, c'est zombie. Attention. De Maître Gims, sorti en 2013. Ouh, je suis arrivé à temps. Bon, tout le monde par contre nous a dit mes oreilles siennes, Esther, non-stop, arrêtez de chanter. Mais non, on a trop bien chanté. J'imagine que c'était pas du tout avec la chanson, hein. Si, parce que là, normalement, on était collé avec la musique. Bon, bah, j'espère. Normalement, pour celle-là, c'était la seule où on pouvait. Super. Bon, bah, tout de suite, votre. Attendez. Jeu préféré? Ouais, clairement. C'est. C'est. Attention. Oh, c'est... n'oubliez pas les paroles. Ton. On adore ce jingle. Vraiment. C'est le meilleur. N'oubliez pas les paroles de ce soir, 5 chansons. 5 chansons parce qu'on est une spéciale, clairement, et on fait les choses bien. Vous savez qu'on a eu très chaud parce que je suis parti. J'avais une minute pour revenir. Merci de raconter toute ma vie. Le problème, c'est que j'ai laissé Esther et elle ne sait pas remettre les micros. Donc vous alliez peut-être avoir un blanc. Voilà. Non, mais je m'en doutais mais, que tu allais arriver je bien. Je suis arrivé à distance, je suis arrivé pile au bon moment. Voilà, on m'appelle le champion. Ah, cette musique, ah ouais, mais c'était mes oreilles saignent, mais non, on chantait trop bien. Mais oui, oh là là. Ah, oui, vous étiez collé. Oui, mais pas toujours juste. Ah. Ouais, mais ça, c'est un petit détail. Bon. Voilà. Bon, c'est N'oubliez pas les paroles. Allez, à fond sur la chanson. N'oubliez pas les paroles, ce soir, on a 5 chansons. On en a 2 françaises, 3 anglaises, c'est un peu plus compliqué. Ouais, on a fait un level un peu plus haut d'ailleurs, je vais rappeler les points de la semaine dernière. Ah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, parle parce que attends. Ce soir, on aura de la Reine des Neiges, du Pitbull, du Maître Gims, du Miley Cyrus et du Daft Punk. Voilà, alors les points de la semaine dernière, il y avait en tête du classement, il y avait Inès qui avait 10 points, Bastien qui avait 7 points et Kelly qui en avait 7 aussi. Léa qui avait 5 points, Sandrine qui en a 4, Béré et Freeway qui en avait 3, et Alice qui en a deux. Bon, il n'y a pas les mêmes personnes cette fois, mais bon, ceux qui sont là, vous pourrez rattraper au moins. Oui, voilà. Donc, voilà. Hein. Quelle est la première chanson? Je te laisse l'annoncer. La première chanson, c'est « Je voudrais un bonhomme de neige » du film « J'espère que vous la connaissez bien. Oui, enfin, oui, voilà. Bah... J'espère que vous la connaissez bien. Parce attends, que... Il y a combien de mots à trouver? Il y a combien de mots? J'ai pas marqué cinq. Combien il y en avait. 5. Et attention, on sera... On sera... Très, très, très bête. Faut être très précis. Ouais. Très précis pour le « N'oubliez pas les paroles » qui commence maintenant avec « La Reine des Neiges ». Je voudrais un bonhomme de neige. Elsa ? Je voudrais un bonhomme de neige. Qu'est-ce qui manque comme... je m'y attendais pas que c'était... J'en adore. Ce jingle, je l'adore. Je le laisse tout le temps. Alors, qu'est-ce qui manque après? Je voudrais un bonhomme de neige. Voilà. Voilà. Il faut 5 mots. Attention, il faut être très précis. Oui. J'espère que... On veut les intonations, très... les tout, les onomatopées. On veut tout. On veut les virgules, les points. Ah là là. Alors. Oh. Oh. Oh, on m'a dépassé là. On m'a dépassé là. J'ai jamais entendu. Oh non. Je l'ai jamais entendu. Ou bien jouer dans la cour. Ah, attends. C'est pas du tout ça. Si, elle a un mot juste. Dans la vous cour. Avez. Tu as. Attends, le ou, on va lui compter. Le ou, c'est O. Jouer, c'est juste. Il manque. Il faut c'est changer. O vient jouer, mais c'est pas dans la cour. Non, elle avait faux. Bob, t'as dit un mot qu'il fallait pas dire, mais. Hein? Vous avez pas toutes les bonnes réponses. Pour pouvoir jouer avec moi. Non, prenez le début de la phrase de Bérénice pour avoir les points. Non, oui, vite. Début. Où vient jouer? Où vient jouer? Et vous avez la fin aussi. Oh mon dieu. Et d'ailleurs, il y a Inès qui est arrivée pile poil. Oui. Vas-y, remets-le, Hugo, tiens. Attendez, on remet l'extrait. Parce que là, ça ne va ça pas va du pas tout. Du tout là. Je voudrais un bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Attention, la trompette. Quand même. Allez, ça passe d'un extrême à l'autre, quoi. Ouais, non, mais alors, attendez. Mais vous avez le début et la fin, mais vous avez pas. Il n'y a pas une seule personne qui est là dans la même phrase. Ouais, là, vous c'est êtes ça, vraiment nuls pour le coup. Hein. Mais dis pas qu'ils sont nuls, les pauvres chefs. Non, mais c'est. Tout le monde le sait, quoi. Bon. On allez. Vous attend vos réponses. C'est. Oh, viens jouer avec moi, oui. Yes. Bon, oh là on vous compte, c'est pas où. Hein. On a dit c'était O. Alors, on a Bérénice, Freeway et Inès qui ont la bonne réponse. Super. Qu'on écoute tout de suite. Elsa, je voudrais un bonhomme de neige. Oh, viens jouer avec moi. Ah. Là, là, là, là. Bon, alors du coup, Inès, ça fait 11 points, Freeway 4 et Béré 4 points. Voilà. Voilà. Bon, Bastien l'avait bien écrit, mais compte lui, parce que c'est le seul qui a bien écrit le allez, gros. Bon, ok. Ouais. 8 points pour Bastien. Ensuite, le deuxième extrait, c'est du Pitbull. Attends. Je gère pas mes boutons, là. Oula. Oula. Passe pas trop vite, parce qu'on a... Ah, non, c'est pas lui, c'est... La petite trompette à remettre. Oui. Le deuxième extrait, alors là, lui il est vraiment très simple, très c'est facile. En anglais. Feel this moment. Avec Christina Aguilera qui est née le 18 décembre comme moi d'ailleurs, je voulais le dire. Mais c'est super. Bah oui. Est-ce qu'on s'en fout un peu? Ouais, est-ce que ça m'intéresse? Non. Voilà. Alors, tout de suite, on vous fait écouter l'extrait. Quelles sont les paroles manquantes? It is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna... Qu'est-ce qui manque comme parole? Quelles sont les paroles manquantes? Yes, je lance le mauvais. I just wanna... Je dis pas. Tu as coupé la parole. Oh. Là, pas la parole, la trompette. Oh. Alors, qu'est-ce qui manque? La trompette. Comme par... Ouais, mais cette trompette, attends, on peut la redémarrer. Allez, remets-la. Faut la remettre fort quand même. C'est la, the iconique. Trompette. C'est the trompette. Voilà. Vraiment yes. Cette trompette. Donc Bastien qui a trouvé. Attends, non et. Non mais de toute façon c'est les premiers donc. Non mais il a pas écrit juste. Regarde. C'est écrit là. C'est pas, pas grave. Non, c'est faux, bon. Bastien. Non, moi je compte bon. Inès, non. Inès ajuste. Bah voilà, Bastien s'est rattrapé. Il a même pas mis Réal à maman. Je pense que c'est le correcteur, Véronique. On écoute la bonne réponse. Glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. Ah, Dieu. Super. On est beaucoup trop à fond. Désolé, traducteur. Ouais, attends, on a changé le micro d'ailleurs. Compte-lui. Parce que c'est plus simple. Ah, bah d'accord. Voilà, je change comme ça, écoutez. Ouais, il change le micro comme de chaussettes. Totalement, totalement. Et voilà, et comme ça, je me plante pas de bouton. Et on peut remettre, attention, la trompette. Cette trompette, vraiment, c'est la seule, l'unique. Bon, bah là, le prochain, c'est une chanson française. Donc là, normalement. Et, c'est, et il a été connu grâce à cette chanson hein, dans sa carrière solo. On l'a dit tout à l'heure, c'est Maître Gims. Avec, attention, c'est avec, quoi? Avec, je me tire. Yes, on vous fait écouter l'extrait, vous devez compléter les paroles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ouais. mots à compléter. Voilà, ça c'est une phrase. Il y a complète. Beaucoup de mots qui font une ou deux lettres. Mais vous voilà. trouverez normalement. Attention, extrait. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Attention! Hey oh, cette trompette, désolé, vraiment. Désolée, Esther, j'étais en train de choisir ce que je mangeais ce soir avec Nani et Emma. Ah, c'est le plus important, j'y comprends. Non, c'est vrai que manger, c'est important. C'est pas bon, faux. T'as raté deux chansons du N'oubliez pas les paroles, Kelly. Mmh. C'est pas grave, il en reste trois. Il en reste trois. Je sais pas si t'as pu écouter cet extrait de Maître Gims, je me tire. Voilà, alors quelles sont les paroles manquantes de cet extrait de Maître Gims? Oula, le suspense est à son comble. Il manque 11 mots. On c'est va... une phrase complexe. Écoutez, en fait, on va repasser l'extrait tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Vas-y, dis-moi, y a qui. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, attention, bon, la trompette. Vraiment, cette trompette. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a Pierre, il y a seulement Bastien. Yes. Le chat est en retard. Non, c'est pas le chat, c'est nous en fait. Parce que pour le... moi, c'est dur la vie d'artiste. Non. C'est... Ça, c'est après que ça vient. Et en plus, c'est pas ça, t'as fait un mélange. Non, c'est pas ça, ouais. Bon, Bastien a la bonne réponse. Bon, bah, on compte une seule personne aura la bonne réponse. Je pensais que tout le monde allait les trouver. Non, c'est décevant, je pensais elle allait trouver. Bah ouais, bon, bah tu lui l'as. Fallait la chanter. Et du coup, oui, il faut écouter. Bah, on va l'extrait. Écouter la réponse. Ouais, là, ouais. Voilà, t'as confondu avec ça, Inès. Hein, si c'est voilà. comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Ah oh, putain, c'est bizarre ton micro. De quoi, quoi le mien? Ah non, mais non, normalement c'est pas bizarre. C'est parce que, ouais, normalement justement c'est mieux. Bah, je sais pas. Je sais pas, bref. Bon. Au pire, si c'est celui de. C'est lequel de micro en fait? C'est le mien ou c'est celui d'Esther? Ouais, je pense, je sais pas. Ouais, tu parles de qui, Kelly? Voilà. Bon. Pour l'instant, il y a Bastien qui a 10 points. Ouais. Pour l'instant, c'est voilà. qui ce soir, c'est Bastien qui gagne tout, je crois. Bah, pour l'instant, il ouais. y a toujours Inès qui a 12 points d'avance. Yes. Et voilà. Attends, faut remettre. Faut remettre, on attention. Ah. La trompette. Si celui d'Esther est bizarre, vous auriez pas pu le dire plus tôt. Il y a quoi qui est bizarre en fait? Prends le mien. Je ne sais pas ce qui est bizarre avec le micro d'Esther, est-ce mais que, voilà. Est-ce que c'est moins bizarre là? On a changé quelque chose? Normalement, ça devrait être. Bon, je sais pas, ça devrait être bien. Bon, il quitte laquelle de ses. De quoi? Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris ça, Nathan. Le quatrième extrait, celle-là. Que, ah oui, parce que Maître Gims, il a plusieurs femmes apparemment. Ah bon? Oui, il en a. Il est polygame. D'accord. Voilà. Bon, ok. Petite information. Je ne savais pas. Si on peut, si on peut remonter le niveau intellectuel de cette émission, faisons-le. Rien, ça change rien, Lilith dit. Bon. Bon, bah écoutez, je sais pas. On verra ouais, ça. Écoute, ouais. Si celui d'Esther est bizarre. Pourquoi? Attends, ouais, bah je. Bon, on écoutera remarqué, pendant. Moi, on écoutera pendant David Guetta, on regardera ce qui ne va pas. En attendant, avant David Guetta, ah, nous avons l'avant-dernière extrait de ce N'oubliez pas les paroles, qui est, vous avez forcément entendu cette chanson partout, bah oui, vraiment partout. En plus, dans le clip, elle détruisait tout le mur avec une grosse boule. C'est voilà, Wrecking Ball de Miley Cyrus. Attention, extrait. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie running for my life. C'est un peu plus compliqué, c'est là. Quoi? Ouais, normalement, c'est plus simple. C'est un peu plus compliqué, celui-là. Alors oui, ça résonne, c'est normal, c'est parce que j'ai changé de micro, excusez-moi, je m'éloigne d'Esther, je me mets très loin, ouais, comme ça, ça ne résonnera plus. Parce qu'elle crie, elle parle beaucoup trop fort, on est d'accord, hein, ça oh, ferait du bah bien non, une émission ouais, sans elle un petit peu. Ouais bah vas-y, vraiment, tu verras, essaie de trouver des sujets, essaie de faire la minute d'Ariana sans moi. Non mais la minute d'Ariana dégage, hein, si ah, tu es bah plus là. Moi, Ariana, non. Bah bien sûr. Bon, sinon, quelles sont les paroles manquantes? On vous a dit, il manque 1, 2, 3, 4, 5 mots. 5 mots, c'est en anglais. C'est un peu plus compliqué. Ouais. I will never want you, c'est pas ça. C'est le contraire de never. Ah oui, c'est, j'allais dire c'est pas ça, mais non, non, non, oui. Et non, never est faux. Si, ça. Ça a changé un truc. Bon, bah, tant mieux. Ça a changé un truc que je m'éloigne. D'accord. Enfin, c'est normal, ça capte moins, forcément. La là, j'en sais rien. La il propose même ici. Bah écoute, il fait plaisir. Hein. Bon, il n'y a que le mot. Yes, Sébastien a trouvé. Mais Bastien, je suis sûr, il a cherché sur internet. Et Bastien, je suis sûr, il a pris en photo notre truc de N'oubliez pas les paroles. Non, non, non, parce qu'il était pas. Non, il n'y avait pas encore le truc. Ah. Et on n'était pas encore sur ton N'oubliez pas les paroles. Il l'a pas vu. Mais ou alors il m'a piqué le fichier sur l'ordi. Ah, mais sinon, c'est la bonne réponse. On écoute c'est la bonne réponse. Les Rénis et Freeway leur tout de suite. Attendez. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, attends, dis-les-moi. Je coûte mon micro pour écrire. I came in like a wrecking. Bon bah Inès, je te le recompte vu que t'as mis le bon. Et Lilith, je compte pas, ça va être trop tard. Oh la pauvre. Et oui, mais elle a recopié sur les autres. Non, j'rigole. Elle a recopié sur les autres. S'il y a pas la minute d'Ariana, je viens pas. Avec un smiley qui pleure. Oh bah si, on aura la minute. Bon alors, récapitule la traiteur des points. Inès a 13 points, Bastien a 11. Béré et Freeway en ont 5. Et Léa aussi, mais elle est pas là. Sandrine 4 points, Kelly 8 points et Alice 2 points. Attention, on écoute quoi là? Je suis là, beaucoup trop lourd avec ce français. En entier avant la dernière juste chanson. Avant la dernière chanson que vous avez forcément entendu partout. Pas les paroles, ouais. De toute façon, je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc voilà. Ouais. Bye bye Kelly. De toute façon, en même temps, tu m'étonnes qu'elle parte. On est beaucoup trop en retard. Je dois c'est y pas aller grave. Maintenant, bye. On va, avant de passer à la dernière des dernières musiques. Nous avons, j'espère que vous avez reconnu ces notes, David Guetta, Playhard, avec Neyo et Akon. Mais ça, c'était le feu comme chanson, vraiment. Ouais, je m'en souviens, ouais. Allez, on revient juste après ça. J'espère que vous n'avez pas perdu pendant la musique. Non, vous êtes toujours là à fond pour le N'oubliez pas les paroles. On dirait Nagui. Oui. Le dernier extrait, on vous l'a teasé. On est des très bons teasers. C'est du Daft Punk. Yeah. Faut qu'on arrête cet accent. C'est cet accent minable. Le groupe avec le casque pour ceux qui ne voient pas. Ouais, les robots là. Ouais, les robots. Enfin, les robots, tu sais, ils ont les casques qui s'allument. Enfin, bref. Oui. D'ailleurs, cette Punk chanson, ils sont en featuring avec Pharrell Williams. Ouais. Get Lucky, et c'est vraiment Get très lucky. Simple. C'est les premières paroles. Attention, ouais, si extrait. Voilà. Ils ont pas chanté qu'on demande les paroles, hein, tout simplement. Oui, oui, oui. Quelles sont les paroles manquantes? C'est les toutes premières paroles. Bon, Bastien, je sais que tu cherches sur internet, c'est obligé. Attends, comment il a trouvé pour Miley Cyrus? Quoi, quoi que, si on a bien aidé, non, pour Miley Cyrus. Simple, oui, non, oui, on a bien aidé parce que Inès avait trouvé, mais sauf un mot. Ouais. D'ailleurs, c'est Esther qui a écrit dans le chat si on t'a compté. Et encore, j'ai corrigé une erreur, mais j'ai oublié l'autre. Et je ne peux pas modifier. Non mais c'est juste pour prouver à quel point. On l'a compté. C'est juste pour prouver que c'est pas moi qui écris mal. Mais j'ai pas eu le temps de corriger l'autre. Pa. Je sais pas s'il a essayé d'imiter ça. Oui, je pense. Ah la queue. Bon. Bastien, c'est Bastien. La triche, non lui. Ouais, mais je suis sûr il a triché. J'irai vérifier tout à l'heure. J'irai mener l'enquête, on écoute la bonne réponse. À un moment, il fait 1-1. Attendez, il va faire 1-1, je crois, là. Ah non, attends, c'est pas là. Si. Non, c'est pas là. Attention. Ah oui. Vraiment bon. Juste pour ça. On compte Freeway aussi, Lilith aussi. Allez, on les compte les deux. Voilà. Donc, mais voilà, mais ils ont été. Vous avez été un peu plus mauvais, mais bon, ouais, en même temps, bah, on avait. Moi, j'en ai pas trouvé en plus. Hein. J'avoue qu'on a monté le niveau. Ouais. J'ai monté le niveau. Parce que c'était des points gratuits un peu avant. C'est vrai. Ouais. C'était vraiment très très simple. Des enfants de CP pouvaient trouver. J'ai envie de dire, c'est la fin de ce Baziradio. Oh, c'est la fin de cette spéciale. Attendez, il va y avoir encore une autre musique de 2013. Oui, on vous met. Évidemment. La musique de la Gaga. La Gaga, la Lady. Gaga, la Lady Gaga. Le pire lancement de Lady Gaga dans toute sa carrière, je crois. C'est applause. On espère. On est 20 minutes de retard, je ne pensais pas autant. Normalement, ouais. Voilà, moi qui pensais qu'on allait finir en avance, ben non. Mais ouais. C'est pas grave, parce que c'est la joie, la bonne humeur avant la rentrée. Évidemment, c'est pour ça qu'on est le dimanche, parce que c'est le lendemain, il y a la rentrée, mais on vous met de bonne humeur avant la rentrée. Voilà. De quoi terminer bien le week-end. En tout cas, on espère que cette spéciale vous aura plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une émission normale, comme d'habitude. Oui, tout le mois de novembre jusqu'au 2 décembre, où on passera en mode Noël déjà. Ce sera pas la spéciale. On aura une spéciale sur une année que vous aurez choisi. Alors attendez, on vous fait le planning. Ah oui, non, mais j'ai cru que t'allais dire spéciale. Le 25 novembre, vous aurez un sondage pour choisir l'année de la spéciale que nous ferons le 2 décembre. Voilà. Et le 16 décembre, nous ferons la spéciale Noël. Et à partir du 2 décembre, forcément, nos logos et tout ça passeront aux couleurs de Noël. Parce que, comme on a fait pour Halloween, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Suivez-nous. Voilà, suivez-nous sur Twitter, Insta. Mettez une notification, comme ça vous êtes au courant. Sur Twitter, on vous mettra plein de petits trucs pendant la semaine. On en met quand il y a des journées mondiales, tout ça. On en parle aussi sur Twitter. De toute façon, on les refera la semaine prochaine, les journées mondiales de cette semaine. Oui. On vous retrouve dimanche prochain. Ce sera le combien? Oui, faut préciser. Ça, le 11, parce que la veille il y a les Energy Music Awards. Ouais, on fait de la pub pour d'ailleurs, les... moi je vote tous les soirs Energy Music Awards. Moi non, je ne vote pas. Il y a Rihanna dans quelle catégorie? Non, moi je veux gagner mes places juste. Ah ok. Artiste féminine de l'année, non? Artiste clip de l'année, chanson de l'année avec Natasha Sokoa, il fait pas de trucs. Bon, allez voter pour nos concurrents qui nous défoncent clairement en termes d'audience. Sinon, on se retrouve dimanche 11, donc dimanche prochain, même jour, même heure, pour se barrer. Oula! Pour se barrer. Radio, on vous laisse avec Lady Gaga Applause. Allez, ciao! Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.